Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais récolter sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, ben, mes enfants. Jésus a vaincu. Que toute la terre chante son nom, non. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre côté sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus a vaincu. Que toute la terre chante son nom. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre côté sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus a vaincu. Que toute la terre chante à son nom, non. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre côté sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus a vaincu. Que toute la terre chante son nom, non. Dieu tout-puissant et adorable, nous t'adorons. Dieu merveilleux et véritable, nous te glorifions. De tout cœur, nous te disons merci pour la protection que tu as donnée à chacun de nous dans cette ville de Kinshasa qui a subi l'un de ces mauvais jours existentiels. Le chiffre 13 hier. Oui, le 13 décembre 2022. Les avenues presque cassées. Et même la nationale numéro 1 cassée. Sur un tronçon. Et surtout de morts. Mingi bakufi. Le nombre qui s'élève encore jusque-là à 120. 120 morts. Et qui sommes-nous pour être vivants ici? Nous habitons la même ville que ceux-là qui sont morts. Nous avons avec eux les mêmes problèmes de transport, d'électricité et de l'eau, des problèmes de sécurité et de survie, des problèmes alimentaires et de surenchère. Mais ils sont morts. D'autres, comme à travers une débrouillardise pour s'étirer d'affaires, mais ils sont morts en parlant même. Criant au secours. Mais personne ne pouvait secourir. Nous souvenons de cette tour de Surouy. Le temps de la Bible était tombé sur les hommes. Et ils sont morts. Comme juste ce mur qui est tombé sur d'autres personnes. Dans la commune de Ngaliema ici. Où on a compté jusque-là le plus grand nombre de morts, 58. Seigneur. Nous habitons la même ville. Conduit par un même gouverneur. Et il y a un même gouvernement provincial. Seigneur. Mais ils sont morts comme ça. Ils n'avaient pas le programme de mourir. Mais la mort les a surpris. Et tous, nous sommes en chemin. Mais parce que tu nous as gardés. Tu nous as protégés. À ces chiffres mauvais 13 dit. Sombre. Na mokoloa molili wana. Nous t'appelons sur la scène. Tobingi okota na mosala. Communie encore avec nous. Car tant que tu nous gardes ici. Kobatela, nous savons que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Loko, moka, kosala, na biso. Car quand tu en auras fini avec chacun de nous. Na moko, na moko, na biso. Les jours d'un s'ouvrira. Wana et à la dine kofungwana. Et la mort sera franchie. Peliwa ekolekama. Une page sera tournée. Wana lokasa moko ekolekama. Mais le monde ne s'arrêtera pas. Mokile kofila te. La vie sur terre continue. Bon, moi, mon kilo, big, comme maintenant elle continue. Le après la mort de ces centaines de morts. Apprends-nous la crainte de Dieu. Apprends-nous à faire le bien chaque jour. Apprends-nous à plaire à Dieu tout le temps. C'est lui qui nous sert le souffle de vie. Et qui nous dépend vraiment, Seigneur. Éloigne-nous du péché et de toute confusion religieuse. Nous voulons la lumière du soir. Ta parole vivifiée. À travers nos cœurs, nos personnes, nos enfants. Parle à chacun. Pardonne nos péchés. Amen. Élève notre niveau spirituel. Change nos comportements. Notre caractère chaque jour. Nous voulons être comme Jésus. Ressembler à Jésus-Christ. Être les images de Christ. Descends, Père. Quitte et révèle-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Jean chapitre 11. Verset 25. Et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Yesu alobi na yete ngai na jali se kwa mpe bomoi ye oyo ajali kondima ngai ata asili kokufa akobika pe moto na moto oyo ajali na bomoi pe andimi ngai libela akokufa te ojali kondima oyo. Jean 5 verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Solo, solo, na jali kolobana bino eti, tango ekoya, ejali sasa epi, wana bakufi, bakoyoka, mongongo na mwana na nzambe, pe, baoyo bayoki, bakojala na bomoi. Philippiens chapitre 3. La Philippi, mon capamisato. Nous prenons le verset 7. Longa sambo. À 11. Qui nous ont mis à moko. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Kasi soko na jali na litomba wana na tangi yango eloko mpamba pona Kristo. Eh, na jali kotanga biloko yonso pamba pona likambo lileki malamu yango koyeba Kristo Yesu kolo na ngai. pona ye na bungisi biloko yonso pe na jali kotanga yango bobele nyei ete nazwa Kristo lokola libonza pe ete namona na kati na ye na jali na boyenge bene na ngai moko te oyo ewuti na miboko kasi yango ewuti na kondima na Kristo yango boyenge bene wuta na Nzambe pona kondima nayeba ye mpe nguya na kosekwa na ye lisanga na mpasi na ye ete nazwa lolenge moko na ye kati na kufa na ye pona elikya ete namona kino lisekwa kati na bakufi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun la bienvenue devant le Seigneur à la table de Dieu pour manger à sa faim, pour manger et célébrer le nom du Seigneur son Dieu, pour manger et recevoir la force nouvelle, car chaque jour nos forces se puisent. Consommons les énergies que Dieu nous donne chemin faisant. Comme quand nous mangeons dans le naturel, nous ne mangeons pas qu'une fois pour dire j'ai déjà mangé ça suffit. Et que nous devons attendre 6 mois ou 12 mois ou 6 ans après ou 3 ans après pour chercher à nouveau un repas. C'est plutôt chaque jour que nous cherchons quelque chose à mettre sous la dent, car chaque jour nous dépensons des énergies. Quand nous parlons, quand nous marchons, quand nous travaillons, même le travail intellectuel, nous utilisons le cerveau, la tête, ça consomme de l'énergie, ça consomme vraiment de l'énergie que nous aimons renouveler régulièrement. Nous ressourcer. Dans le naturel, c'est à travers le pain que nous mangeons, selon nos coutumes. Chacun a un repas principal. Fait que quand il les prend, il sent alors qu'il a mangé. Et quand il prend les autres choses comme des amuse-gueules, des grignotages ou des casse-croûtes, il y a toujours un repas un peu qu'il a dans sa psychologie. Alors dans les autres, j'ai quand même mangé. On va dire j'ai quand même mangé. Qu'est-ce que ça va? Oui, ça va. Bon, parce que ce sont des solutions d'occasion ou des solutions d'adaptation. Ok, c'est un peu des habitudes, soit personnelles, soit familiales, soit quoi. Donc, ça se forme comme ça. Mais Dieu a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yesu azongisi ete, ekomami ete, moto akobika bobele na kwanga te, nde maloba yonso makobimaka na monoko na Nzambe. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vivons, avons besoin de ce pain pour soutenir notre marche, le voyage de la vie sur terre. Mais il faut plus que ça. Plus que ça, nous devons avoir la parole qui donne vie éternelle. Et Dieu est clair à ce sujet-là. Il est assez clair. Voyez dans Jean chapitre 6e. Il a même exhorté les croyants que nous sommes à ces termes. Au verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, à marquer des sonsons. Bosalaka te pona bilei biko beba, kasi pona bilei yango biko umela, kino bomo inaseko oyo mwana na moto akopesa kabino. Poete tatanzambe asiliko tela ye elembo. Ah, nous devons travailler, non seulement pour le pain naturel, la nourriture naturelle, le repas principal, que la nature nous a habitués à nous. Mais nous devons travailler également pour le pain de vie éternelle. Et ce pain de vie là, le Seigneur dit, c'est lui Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui vous le donnera. Qui vous donnera de ce pain-là. Il est celui qui vous donnera de ce pain-là. Alors, toujours dans Jean 6, nous voyons ce qui est dit au verset 32 à 34. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Yesu alobi na bango ete, solo solo na jali koloba na bino ete, e jala ki mose oyo apesa ki bino kwanga longwa na likolo te, kasi tata na ngai ajali kopesa bino kwanga na solo na likolo. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Pwete kwanga na nzambe ejali yango ekokitaka na likolo pe ekopesa bomoi na mokili. C'est comme un seul pain, mais il donne la vie au monde entier. Alors quelle dimension, quelle taille ce pain doit-il avoir? Il est parlé d'un pain singulier, mais qui donne la vie au monde entier. Pour que les millions et les milliers et les centaines et des millions et des milliards de gens qui peuplent la terre, reçoivent vie de ce pain-là, ce qu'il doit être un pain énorme. Il doit être un pain gigantesque. Il doit être un pain infiniment grand. Et c'est ça le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde entier. Quelle que soit ta ville d'habitation, ton village natal, ton quartier, ton pays, ta nation, ton ethnie, ta tribu, ton clan, quelle que soit cette identité-là, mais tant que tu es un habitant du monde, tu es l'un de ceux qui vivent dans le monde, sur la terre, alors il n'y a qu'un seul pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et c'est le pain de Dieu. Le pain de Dieu que Moïse n'a pas donné, mais que le Père donne au temps présent au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, ils ont adressé une prière en entendant ça. En découvrant qu'il existe un pain de Dieu qui donne la vie au monde. Cela a inspiré une parole de prière. Comme c'est bon d'avoir le faire des prières inspirées par la parole. S'entendre et cela inspire quelque chose à demander. Alors, il lui dit, au verset 34, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Balovina eti, motei, pesa biso kwanga, oyo tango yonso. S'il existe un tel pain, qui est le pain de Dieu, que même notre grand prophète Moïse, le très respecté prophète Moïse, le tout grand prophète Moïse, puissant en parole et en acte, puissant en parole et en œuvre, qui n'a pas eu de pareil pendant la génération d'Israël. Pendant des siècles et des siècles, Moïse n'a pas eu de pareil. Mais malgré la grandeur de son ministère, malgré la légende de son travail, il n'avait pas donné à Israël le pain du ciel. Pourtant, il y a eu la manne qui était tombée du ciel sur le ministère de Moïse. Et cela a été considéré comme un miracle grandiose, exceptionnel, unique, qu'Israël seul a vécu. Y a-t-il sous le soleil un peuple à qui Dieu ait fait pleuvoir la manne du ciel? Dieu a enseigné par là à Israël son peuple. Il leur avait accordé des privilèges exceptionnels. Il leur a fait expérimenter des miracles inouïs. Jamais rencontrés ailleurs. Et il est notre jusqu'à présent. Il peut faire pour nous des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les gens pourront essayer d'imiter, pourront essayer de reproduire, mais Dieu peut donner un cachet spécial à ce qu'il a fait, de manière à ce que nul n'atteint ce niveau-là. Il accorde ça à ses bien-aimés. Il a du pain qu'il donne à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Alors que le pain naturel, vous devez bosser, dire, travailler dans tous les temps, jusqu'à ce que vous ne puissiez sans rien attraper. Mais la Bible dit que Dieu en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il peut nourrir ton âme mieux que l'homme ne le ferait. Parce que nous avons confiance. Pouvons-nous lire dans les psaumes ici encore? Toujours la parole. Vérité sur vérité. Voyons ce qu'elle dit encore ici. Psaume 127. Le verset 2. Enfin, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Ce n'est pas le pain du ciel ici, mais le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez Dieu? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Vous avez travaillé la journée, mais il vous donne le pain pendant que vous vous reposez. Il nourrit l'être intérieur. Il vous nourrit mieux que la terre ne peut vous nourrir. Pendant que le corps dort, Dieu lui donne. Pendant que ton corps dort, Dieu lui te donne. Te donne ce que tu ne peux pas, des fois, de toi-même gagner sous le soleil, par ta sueur, par tes efforts. Dieu est bon pour ceux qui croient en lui. Regardez notre travail quotidien, comment c'est écrit ici dans le psaume 50. Comme nous en avons l'habitude ici sous le soleil. Et psaume 154 ici à partir du verset 21. Et jusqu'au verset 28. Les lionceaux rugissent après la proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Même les lions. Et Les lionceaux demandent à Dieu leur nourriture. Savez-vous que parfois, Dieu, pour répondre à la prière des lionceaux, il t'envoie, toi, t'égarer dans la forêt, pour donner la réponse à... Ya, parce que tu n'as pas égard à la personne de Dieu. Oui, tu es allé pour m'aimer à Gomu. Au moins, les lionceaux ont considéré Dieu quand le soleil s'est levé. Et toi, pour qui Dieu n'existe pas, tu ne t'adresses même pas. Tu commences à te tourner comme ça. Au bandit, il ne peut pas prier. Et les lionceaux lui prient. Il demande à Dieu sa nourriture. Et parfois sa nourriture c'est ton bras là. Où tu mets une montre chaque matin. C'est un repas appétissant pour les lions. S'il en trouvait un morceau, il va se reposer une semaine. Voilà le problème ici. Les lionceaux rugissent après la proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Kosi bakongangaka ekolukaka bango nyama na bango na kubuma. Pe bakolukaka kulia na bango epai na Nzambe. Le soleil se lève et il se retire. Et il se couche dans leur tanière. Ekobima moi bakozonga pe bakolala na mabulu na bango. L'homme aussi de son côté, que fait-il? Moto pe nangamana zali kosala nini? L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Moto akobima na mosala na ye pe lotomo na ye kino pokwa. Hey, il bosse dur hein, sous le soleil. Il se lève tôt, il se couche tard. En train de chercher du pain, et c'est du pain de la douleur. Et parfois l'excès de travail et de stress encaissé. Bala mosusu mosala le kimingi. Provoque en lui de l'insolence. Yango ebota kakati na mangala mabele. L'arrogance pour dire c'est mon argent, c'est mon argent. Et j'allais mon misolo na ngai. Vous ne devez pas me juger pour mon argent. Pour mon argent. Il devient insolent. Parce qu'il sent qu'il est trop acquillé et que pour gagner $5, il doit tuer. Alors, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Mais n'oubliez pas que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant la journée. Non pas que les bien-aimés de Dieu sont des dormeurs du matin au soir. Il y en a un qui aime travailler du frère Branham, c'est le chrétien. Il sortira aussi le matin jusqu'au soir. Amen. Allez travailler. Non pas être paresseux. Attendre la manne qui tombera du ciel. Tu dois aller travailler. Et Dieu a dit que tu travailleras pendant 6 jours. Et le 7e jour tu te reposeras. Faut travailler. Chacun doit travailler. Personne ne doit profiter de personne. Personne ne doit espérer vivre. On dépend de personne. Chacun doit travailler. Amen. Mais là-dedans, vous travaillez pour la nourriture qui périt. Vous allez pour ça, pour la molle, vous allez couper bas. Mais travaillez aussi pour celle qui subsiste éternellement. Amen. Que le Fils de l'homme vous donne. Pour la vie éternelle. Pour la sécurité éternelle de votre âme. Oh. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Misala na yo mingi boni e yawe. Otemi saki yango yonso na mayele malamu. Mokili etondi ma na biloko basali bisala kiyo. Voyez ça. Omoni yango. tous les humains qui sortent pour aller travailler, chrétiens ou pas, juste pour les juifs. Vous travaillez sur la terre, vous travaillez sur le soleil, du matin au soir, vous attrapez quelque chose, ne pensez pas que ça vient de vous. Amen. Ce que vous pouvez gagner sur la terre, ça appartient à Dieu. Amen. Amen. Ça appartient à Dieu. Et le un dixième de cela appartient encore à Dieu. C'est ta part. C'est la preuve par laquelle je te soumets pour que toi tu prélèves un dixième. Tu retournes à Dieu qui a donné. Parce que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Parce que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Amen. Et la terre est remplie des biens de l'Éternel. Les biens qu'il y a dans l'univers, ce sont les biens de Dieu. Satan est un bluffeur, un usurpateur. Il n'est pas le propriétaire véritable. Le véritable propriétaire, c'est le Dieu créateur. Est-ce que vous dites Amen? Vous allez vous trouver à vous bongo. La terre est remplie de tes biens. Quand tu retourneras chez toi, tu vas voir tout ce que tu as dans ta maison. C'est pas pour toi. Dieu peut te retirer le souffle de Dieu aujourd'hui. Il te montrera alors à qui ça va revenir. Et à celui à qui lui Dieu permettra d'en hériter, d'y accéder. Tu peux même laisser un testament, on peut saboter ça, déchirer ça avant de rentrer. Tu ne feras rien à personne. On peut les déchirer avant que qu'on te soit entré. Et toi là, déjà cadavre, tu ne feras rien à personne. C'est ce qu'il y a. Sous le ciel, toi appartiens à Dieu. La terre est remplie de biens de Dieu. Toi, tu n'es qu'un locataire. Un voyageur, un passager. Un utilisateur de passage. Utilisateur d'occasion. Pendant que tu aspires ce souffle. Voyez, la terre est remplie de ses biens. Voici la grande et vaste mer, la semeuve sans nombre des animaux petits et grands. Biloko mingi bijali kolanda landa kati na yango minene pe mikie. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Wana masua ikoletaka wana ngando oyo monene akosakana ye oyo osali yo kombo na yo lewitana. Tous ces animaux espèrent en toi. Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il s'y rassasie de bien. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Tala, on a besoin de ça. Il envoie des fois la pluie. Bala mosusu kotinda tambula. Change le climat. Yango ebongo lizedi. Et quand lolenge ya kozala. Le soir commence à venir. Yango koko ebandi koya. Des petites fourmis sortent là, des fourmis ailées. Wana bawe ya mitimi kibazana mapapu. Ils viennent s'agglutiner autour de la lumière. Baye kozinga ka pole boye lokola pole. Vol, parfois les ailes tombent. Kopimba, bala mosusu mapapu ya ka. Si comme là. Quand ils se combent par terre, les autres petites fourmis noires qui trouvent un repas. Qui a cassé les ailes de cette petite fourmi ailée? Dieu qui répond à la prière des petites fourmis noires au sol. Quand il ne sera plus volé, une fourmi a trouvé un repas là-bas, il va venir mordre à la face. Et puis il pèse encore un peu au ventre. Tandis que celle qui reste là au-dessus, autour de lampe, c'est la nourriture des geckos. Les geckos se mettent aussi à sillonner là. Il fait comme s'il fait un petit défilé. Donc il n'est pas à manger comme ça 40. Et son petit ventre devient bédou, non? Il rend gloire à Dieu qui lui a donné un bon repas. Et quel était ce bon repas? Ce sont ces fourmis qui étaient ailées là. Pour lesquelles toi tu prends les humains ou un linge pour commencer à les chasser. Ils en mettent. Mais c'est la nourriture des gens. Ils allaient moulay, amis télékété. Et pourtant sa vie aussi à un moment. N'est-ce pas que toi aussi tu manges le Thompson? Thompson. Tu dis, oh, comment Dieu peut faire ça? Les créatures vivantes, est-ce que tu ne peux pas leur donner un autre repas? Tu ne peux pas arrêter de manger des viandes? Et les Thompson, et les Ngolo. À un moment, eux aussi vivent, non? Et à un moment, un pêcheur vient et les attrape. Et puis il passe avec son petit panier, yangoyo, moins cher. Na soldé. Et toi tu viens avec 10 000 francs. Allez, fais ça un goro. Au bout de moutou, yo wano ke kousen zoom. Tu manges, non? Oui. Mais c'est quelque chose qui vit. Parce que de la même façon, Dieu peut prendre aussi ton corps, le donner en nourriture au lion. Oui. On va te manger, te broyer, tout. Cette fois, ça peut être l'aigle du ciel. Les aigles. Ils mangent la chair fraîche. Donc, et bien, bon, tu vas couper, oh, ma kile, ça, non, moi, motoana. Si comme les aigles viennent et les vautours. Va becquer ici l'œil, il becque l'œil là-bas, il soutire tout ce qu'il y a dedans. Il a mangé les yeux, il a mangé ta langue. Les joues. La peau là. Il y a que les os qui vont rester, un petit os ici. Squelette avec les racines des gens. Il a mangé, il a défiguré. Après, il va au couille. Bec là-bas, il soutient le sang, il boit. Il descend au ventre, il mange partout. Et quand il trouve les mitiopoles, les mabumu, qui commencent à pourrir, il ne mange pas ça. Ça, ça vous met tué. Il descend, il va trouver les muscles de la cuisse là. Mais là, on s'appelle un canard cuisse, il y a soso. Allez à Tony Zambé. Ah oui. Yo. Vanité de vanité. Pamba. Dès que ton monde est au rendre rebelle, au lieu qu'on s'en embête, quand qu'on tient ma rouge à lèvres, quand qu'on tient ma plante, tu oublies même tout ce que Dieu te dit de rester naturel. Amen. Alors, il avait fait de Jézabel la viande de chien. C'est comme ça qu'il nous a appris à saluer ces femmes qui se maquillent. Bonjour, viande de chien. Oui, pas que le rouge à lèvres, à vernis à ongles, tout ça. Ces femmes-là, quand nous les saluons, nous devons les saluer en disant bonjour, viande de chien. Vous voyez ça? Et maintenant, je dis qu'une sœur peut être étiquetée comme ça. Il va bien, il dit qu'elle croit le message, mais elle est une nourriture de chien. Parce qu'elle est sur les traces de Jézabel, la mauvaise femme. Bien-aimé, travaillons pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons lu trois passages ici. Dans la Bible. Dans Jean chapitre 5, verset 5. Que nous avons exploité dimanche dernier. En parlant des deux heures de la résurrection entre les morts. Mais, après avoir montré l'heure qui est déjà passée. Au temps où Jésus-Christ était sur terre. L'heure qui était déjà venue. Mais il reste une heure qui est à venir. L'heure qui vient dont il a parlé. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Êtes-vous là? cette heure approche. Cette heure-là approche. Ngongawana. Alors, nous allons lire quelque chose que dit Frère Branham dans les sermons le soir de Dieu. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Cette heure approche. Cette heure-là approche. Où les morts doivent entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Mais comment allons-nous affronter ça? Oh miséricorde. Dans les sceaux de Dieu prêchés le 14 mai 1954, paragraphes 3 à 5. Sachant ceci. Comme Saint Paul d'autrefois l'a dit. Je le connais dans la puissance de sa résurrection. Je le connais dans la puissance de sa résurrection. Voilà une des pensées profondes à méditer ce soir. Et elle est tirée de ce que nous avons lu dans Philippiens chapitre 3. Le verset 11 particulièrement. Mais cette puissance de résurrection, elle est mentionnée au verset 10. Philippiens 3. Mais Paul se battait dans ce sens-là, considérant toutes choses comme de la boue. Tout comme de la boue. Et comme une perte. C'est-à-dire même son propre corps qui peut être viande de lion, viande de porc, vanité de vanité. Pendant que nous vivons dans ce corps, cherchons le royaume de Dieu. Accomplissons la volonté de Dieu. Alors on dit, je le connais dans la puissance de sa résurrection. Allons-y un peu. Et quand il appellera à sortir d'entre les morts, je serai appelé à sortir avec eux. Pourquoi une telle espérance? Parce que de mon vivant, pendant que je vis sous le soleil, je le connais déjà dans la puissance de sa résurrection. Est-ce que toi, frère, toi, sœur, tu le connais déjà dans la puissance de sa résurrection? Connais-tu Jésus dans la puissance de sa résurrection? De sorte que cette connaissance, une excellente connaissance, assure ta foi intérieure. Qu'un jour, quand il appellera les morts, comme il a prévu dans Jean 5, verset 25, là, quand cette heure-là sonnera, et que tu te retrouverais dans l'au-delà parmi les morts, parmi les destinés de notre foi, que tu entendes l'appel et que tu sortes avec les morts qui entendent. Pourquoi? Parce que de ton vivant, tu l'avais déjà connu dans la puissance de sa résurrection. Mais si nous posons la question pour nous entraider, qui de vous connaît Jésus-Christ? À cet instant où nous parlons, depuis qu'il vit sur la terre jusqu'à présent, qui de vous connaît Jésus-Christ dans sa puissance de résurrection? Qui d'entre vous le connaît dans la puissance de sa résurrection? Non pas selon les prédications entendues et admises. Non pas selon les explications des prédicateurs préférés. Non pas selon les enseignements du prophète de l'âge. Mais qui de vous connaît-il Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le dire comme le Saint Paul d'autrefois. Je le connais dans la puissance de sa résurrection. Le connais-tu? Yoyebie. Le connais-tu? Yoyebie. Pas selon les lectures faites de la Bible. D'après ce que je comparais et compris. Le connais-tu? Yoyebie. Dans la puissance de sa résurrection. La puissance qu'il est sorti de son tombeau. Le connais-tu lui Jésus-Christ dans cette dimension-là? À ce degré-là? C'est la question. Oh, Paul. Paolo. S'il aspirait tant. À la résurrection entre les morts, à l'heure qui vient bientôt, leur temps annoncé, leur temps attendu par les héros de la foi chrétienne, s'il attendait comme ça, c'est parce qu'il les connaissait dans sa puissance de résurrection. Or nous le connaissons en tant que membre d'église. Membre de regroupement chrétien qui croyait depuis des années que Jésus-Christ est ressuscité d'après les morts. Et ça, nous le connaissons d'un point de vue historique. Et ça, Pongé, Motomoko Yakabotamé de Bethléem. Kombo na Jésus Christ, mwana ya Maria na Joseph, azaki mwana na Zambe, ponge, ponge, akolaki, amonaki pasi, abomije na ngomba Golgotha, asopaki makila pona yonangai, ponge, ponge, nikolo misatu sima asye kwa ki. Oye elonga te, elonga. Bon, sa wana koni, wana atangi? Wana tutiku weba yango, tuyuka ki. Sa chanji kwa atavi. Ebongo lini kati nabomo inayo. Tu as entendu l'histoire, comme tu peux entendre l'histoire de Napoléon Bonaparte, ou celle d'Adolf Hitler. Alors, beaucoup ont entendu ça d'un point de vue historique. Et l'on connaît Jésus comme un personnage d'histoire et de temps récent. Avec Frère Branham, dans nos prières quoi. Or, pour affirmer ton espérance, que tu ressusciteras, tu entendras sa voix quand il appellera. Lors de la résurrection entre les morts, pour affirmer ton espérance, il te faut le connaître déjà maintenant. Dans la puissance de sa résurrection. Et pour y parvenir, il faut cette renonciation à soi-même. Un renoncement total à soi-même. Comme a fait Paul qui relate sa propre expérience. Toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai considérées comme une perte, afin de gagner Christ. Ah, alors quand on nous dit de laisser tomber l'amour du monde, l'amour des choses du monde, ça ne doit pas devenir une mer à boire pour nous. Ça ne peut pas devenir une corvée, oh c'est trop difficile. Tout dépend de ce que vous cherchez devant le Seigneur. Tout dépend de ce que votre âme recherche dans les choses de Dieu. La terre est pleine de biens de Dieu. Tu peux vouloir convoiter ce que Dieu va te donner. Oh, une parcelle, il va te donner. Mais un jour tu mourras. Car en venant sur terre, tu n'as rien amené. Et quand tu mourras, tu n'emporteras rien. Tout espérant. Toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains. J'ai gagné. J'ai gagné. Nous avons gagné. Ceci, nous avons gagné. C'est de la perte. Il y a une meilleure espérance. Et c'est celle à laquelle je vous conviens comme ce soir. Vivre pour la résurrection d'entre les morts. Vivons pour la résurrection d'entre les morts. Vivons pour ça. Pour ressusciter un jour. Non pas pour mourir un jour, mais pour ressusciter un jour. Vivons pour ça. Alors, Paul dit ceci. je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et quand il appellera à sortir d'entre les morts, je serai appelé à sortir avec eux. As-tu une telle assurance pour ta part individuellement? Mon frère, ma soeur, église de Dieu. As-tu une telle assurance? Pour ta part individuellement. J'aime tellement mon pasteur, je sais que lui sera dans cette résurrection. Voyez ça. C'est une façon de raisonner aussi. Hein. Déjà, tout ça lié, tout ça très bien naillé. Mais ici, c'est de le connaître, lui, Jésus-Christ. Ah ouais, Jésus-Christ. Dans la puissance de sa résurrection. Pas le connaître d'un point de vue théologique. Du point de vue théorique. Explicatif. Intellectuel. Dans la puissance de sa résurrection. Si tel est le cas, cette puissance doit opérer dans ta vie. Ça ne doit pas être une fiction, une imagination. Mais tu dois en ressentir les effets de ton vivant. Tu dois en devenir un témoin oculaire. De sorte que quand tu parleras de sa résurrection, advienne que pourra, quels que soient les opposants, quels que soient les athées, les infidèles, dans la puissance là qui sortit son corps d'entre les morts. Il y en est témoin contemporain. Il y en est témoin au temps présent. Il y en est témoin dans ta génération. Grâce à une telle expérience, grâce à une telle révélation de Dieu, dans ta vie humblement, alors tu le connais. Dans la puissance de sa résurrection. Le ressuscité, tu le connais. Jésus-Christ, le ressuscité, tu le connais. Dans sa puissance de résurrection. Puissance qui agit jusqu'à maintenant. Donc tu es témoin oculaire. Alléluia. Alors quand il appellera lui le fils de Dieu, parce que c'est lui-même que tu connais la puissance de sa résurrection, c'est lui-même le fils de Dieu qui appellera. Et les morts entendront sa voix. Ceux d'entre les morts qui entendront sa voix vivront. Amen. Vivront. Bakubika. Ils vivront. Bango bakubika. Et les autres ne vivront pas. Basusu bakubika. Les autres ne l'entendront pas. Basusu bakoyoka yete. Il va parler, mais ils l'entendront pas. Bakubaka tibango bakoyoka bongo yete. Ils resteront morts, cadavre. Bakubika bakufi. Et quand il appellera à sortir d'entre les morts, bakubika yete bimakata bakufi. Je serai appelé à sortir avec eux. Bakubika bakubika elongona bango. Je le connais dans la puissance de sa résurrection. Ayebie kati nangu ya lisekwa na ye. Non pas le connaître en parole. Bobele koyeba yete na maloba. Ou en acte. Tuna misala. Mais le connaître dans la puissance de sa résurrection. Ayebie koyeba yete kati nangu ya lisekwa na ye. Non pas le connaître en parole. Oui, bah, oui, non, loba, vous voulez dire. Oh, colo loba, hey, oh, indé, loba, hey, citation, Bible, lobby, il est écrit. C'est pas ça. Voilà, il faut plus que ça. Et c'est de l'équivalent. Ou en acte. Il est apparu en ces derniers jours. Nous avons sa photo, frère. D'ailleurs, quand je prie, je prends la photo de la lumière de gloire, je mets devant moi. D'ailleurs, il a ressuscité 5 morts dans le ministère, frère Branham. Oui, ce sont des actes. Tu peux le connaître aussi de cette manière-là. Mais ça ne rassurera jamais ton cœur. Ce n'est pas ça qui te permettra de l'entendre quand le Fils de Dieu appelera. Non pas reconnaître en parole, mais le connaître dans la puissance de sa résurrection. C'est l'un des grands espoirs que nous avons ce soir. Et c'est l'unique espoir que nous avons dans cette glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus. Et dans la résurrection préliminaire que nous avons maintenant, en passant de la mort à la vie, en ayant la vie éternelle par Jésus-Christ, le même là qui ressuscita d'entre les morts, c'est le même que nous a donné Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute mes paroles. Et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Cette opération-là doit s'effectuer dans ta vie. Cette opération-là doit s'accomplir dans ta vie. Savoir passer de la mort à la vie. Et ici, Frère Branham appelle ça une résurrection préliminaire. Je pense appelé ça une résurrection spirituelle. C'est spirituellement. Votre physique reste le même. Mais votre intérieur change radicalement. Les dehors ont les mêmes apparences. Mais l'intérieur sont puissamment changés. Et ça ne s'arrête pas à un changement historique. Mais ça va plus loin parce qu'il est écrit, si notre homme extérieur se détruit, nous ne perdons pas courage, car notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance de l'exécution. C'est ce que nous devons connaître. Oh. Ouais. Est-ce que tout le monde est là? Voilà mes chers amis. Paul dit, je le connais. Dans la puissance de sa résurrection. Et cette puissance agit dans les croyants fidèles. Et le fait passer de la mort à la vie. Pendant qu'ils sont vivants sous les soins. Mais ça doit se faire. Nous avons lu et commenté Ephésiens 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est pas sans lui, mais c'est avec lui, obligatoirement avec lui. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscité ensemble. C'est une résurrection qu'on appelle ce soir préliminaire. C'est en avant-goût. C'est en avant-première. C'est un accord d'engage. Je te rassure que lorsqu'il appellera d'entre les morts, tu seras du nombre ceux qui entendront pour sortir avec eux. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bobiki na ngolu penza. Pe asekusi biso na ye. afandisi mpe biso na ye na bisika na likolo kati na Kristo Yesu. Et alors dans Colossiens chapitre 3, nous retrouvons encore le verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité, ça doit être déjà vécu. Cette résurrection doit se faire à l'intérieur. Cette ressuscitation doit s'opérer à l'intérieur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Êtes-vous là? Si la résurrection est effective, cette résurrection préliminaire, cette résurrection préalable, cette résurrection conditionnante, qui va rassurer ton espérance, quand un jour tu entendras sa voix, il est effectif, attachez-vous non plus aux choses d'en bas sur terre, car tout ce qui est d'en bas doit être une pète, considérez comme de la boue, pour gagner Christ, la perle précieuse, la perle du plus grand prix, le meilleur d'entre 10 000, la seule meilleure et souveraine richesse que l'on puisse avoir, Christ en vous, l'espérance et la gloire. Il en soit effectivement ici. Mais pour y arriver, chacun doit renoncer complètement à soi-même. À ton vieil homme, à tes privilèges, à tes avantages mondains, pour te donner tout entier au royaume de Dieu. Que plus rien d'autre ne compte. Rien que les affaires du Père Céleste. Les affaires du Père Céleste. Les affaires de Dieu mon Rédempteur. Les affaires de Dieu mon Sauveur, frère. Que ce soit prioritaire. Comme il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les autres choses seront données par Jésus-Christ. Que la priorité soit là. Mon ami, Oninga, ne perdons plus le temps. Allez, ce qui t'a eu sur ceci, allez, passez d'abord la connaissance, allez, passez d'abord gagner ceci et cela. C'est de la boue! Que Christ soit ton meilleur gars. Pour le connaître d'une connaissance excellence. Bon, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Bon, à yango, na tellement le connaître d'une connaissance excellente. Bon, pas d'une connaissance pittoresque, médiocre. Mais une haute connaissance. À mesure qu'il se révèle à toi. Alors le vieil homme n'a plus de sens. La vieille vie n'a plus d'importance. Les choses terrestres ne n'ont plus d'emprise. Nous sommes prêts à nous dépouiller. Nous sommes disposés à perdre. Omonisikawa, place wanande, nous osa disposer go, kubungisate. Olinga ou gagne. Trop capitaliste, avec la mentalité capitaliste, contrainte dans le système d'inspiration occidentale, l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest. Ils sont en guerre avec l'Europe de l'Est. Compris la Russie. Vous voyez ça? C'est pitoyable, hein? Tout ça doit devenir de la boue. Au fait, faut ressentir ça comme une vraie paix. Et le royaume de Dieu doit devenir priorité. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Ces choses-là, cherchez-les. Ne croisez pas les bras. Ne supposez pas que ça viendra. Mais cherchez-les. Réclamez-les. Priez Dieu pour ça. Les choses sont en haut. C'est pour les héritiers de là. C'est pour les citoyens des cieux. Nous devons en jouir maintenant. Nous devons en jouir dans l'église. Nous devons y avoir part. Les choses en haut. Les choses du royaume. Les choses de notre Père céleste. Les choses invisibles. Quand les visibles de la terre passeront. Mais les choses invisibles sont éternelles. Il a dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les voilà encore dans Romains 6, parlant de la même résurrection. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il est dit auparavant là que là où là, le péché a abondé, la grâce a si abondé. Romains 5, verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors partant de là, chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Réponse, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La question se pose, comment des membres d'église, des frères qui s'appellent frères, et des soeurs qui s'appellent soeurs, baptisés au nom de Jésus, comment peuvent-ils vivre dans le péché? C'est inconcevable, incompréhensible, inadmissible. Ça c'est le problème, jeter le problème dans le péché. Faire la honte du nom de chrétien. Comment quelqu'un déjà baptisé d'eau, il est allé baptiser volontairement dans l'eau, mais il vit encore dans le péché. Le péché l'invite, il ne peut pas répondre à l'invitation du péché. Il s'appelle frère. Elle s'appelle frère. Le péché l'invite, il ne peut pas répondre. Il pour trouver plaisir là-bas. Pour occuper le temps que Dieu lui a donné. C'est lui qui péchait. Dans les Kindumba, le vol, les mensonges, les dopes, la mafia. La fraude minière. Des faux documents. Et toutes sortes d'histoires. Mais comment quelqu'un supposé mort au péché peut-il encore faire ça? Crachant sur le sacrifice sanglant du calvaire. Sans de la mort de Jésus-Christ. Son corps a des désirs, il veut faire plaisir à ce corps. Alors la colère de Dieu sera sans remède. Quand nous continuons à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la Bible dit qu'il ne reste plus de sacrifices pour le péché. Mais uniquement l'attente terrible d'un jugement qui dévorera les rebelles. Un jugement divin qui dévorera les rebelles. C'est C'est inconcevable, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. C'est celui qui est supposé mort dans le péché. Moi encore, s'il est pris, en train de trouver plaisir au péché. Vivant dans le péché. Non, frère, vivant pour la résurrection. Vivant pour la vie nouvelle. Vivant pour l'évangile. Vivant pour le royaume de Dieu. Sacrifions tous les désirs du corps. Papa, crucifions ça. Tu bois mon yango, tu bois ton bac, tu bois mon couloir.